of the line. Ouais, c'est ça. Ah, tu la connais celle-là? Téléchargé. Oh putain, ils sont chiants, ils insistent avec le téléphone. Ils sont lourds les gens au téléphone. Quoi. Attends, je télécharge un truc. Il est là. Qu'est-ce que ça donne? Attends, Eddie. Attends, Eddie Mitchell. Ah, ça, j'ai pas compris sur Reaper pourquoi ça fait ça. Écoute le bassiste. Tu vois ? On va voir si ça vaut le coup le truc. La jouer ça. Tu l'entends? Ah, ça y est, j'ai perdu la piste au master. Et... Salut Ben. Eh, hey, je peux pas laisser la backing là, ça va être le bordel. Hein. Ouais. J'aimerais bien savoir faire ça là.